مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. أخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن آجي الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية كوغ ديسبونسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب البدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في باب المرفوعات. وآخر ما أخذنا كان باب التوكيد، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى إلى إبوكي أن قسم طامي الأقسام للتوكيد الذي هو التوكيد المعنوي، celui qui est connu avec des alphas qui sont معلومة، comme l'a évoqué النفس والعين وكل وأجمع. والقسم الأول، القسم الذي يسمى التوكيد اللفظي، qui est إعادة المؤكد بلفظه أو مرادفه، comme on a pu voir. التوكيد اللفظي c'est le fait de répéter المؤكد، c'est-à-dire celui qui vient avant lui avec les mêmes termes qu'a le مؤكد ou bien avec son synonyme. Si jamais je dis مثلا جاء علي et je répète علي derrière, ça s'appelle un توكيد لفظي. Pourquoi ? Parce que أعدت المؤكد بلفظه. J'ai réitéré le terme du مؤكد qui est علي avec un autre terme, avec un autre mot qui a les mêmes lettres que علي. جاء علي علي. Ça c'est même باب التوكيد. كذلك on a pu voir ça peut être là c'est بين اسمين. Ça peut être كذلك بين فعلين. جاء جاء علي. Là j'ai répété جاء et c'est un fi'l. كذلك ça peut être un حرف. La la ما جاء علي. كذلك ça c'est un توكيد qu'on appelle لفظي et c'est un حرف. Et كذلك comme il a pu évoquer, ou plutôt comme on a pu évoquer, le توكيد لفظي il peut être كذلك بالمرادف. Par un synonyme et pas forcément par le terme exact et les mêmes lettres que le مؤكد. مثلا si je dis جاء أتى محمد. جاء أتى محمد. أتى et جاء ils n'ont pas les mêmes حروف. لكن ça c'est même باب التوكيد بالمرادف. J'ai ramené le synonyme de جاء qui est quoi أتى et j'ai أكد جاء par un مرادف, par un synonyme qui est quoi qui est أتى. Donc ça c'est le توكيد que n'avait pas évoqué المؤلف رحمه الله تعالى, qui était bon d'évoquer, qui est le توكيد اللفظي. التوكيد ينقسم إلى قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. إليه هو كلوي رحمه الله تعالى توكيد المعنوي, وعرفه رحمه الله تعالى بأنه هو التابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. نعم. ينودي رحمه الله تعالى que المؤكد أو plutôt توكيد أنا أبي بقى كذلك كم بودي تأكيد. تمام. C'est celui qui va suivre le مؤكد au niveau de l'i'rab في الرفع والنصب والخفض. وكذلك قال في التعريف au niveau de est-ce qu'il est déterminé ou pas. تمام. Et il est بألفاظ معلومة comme il a dénombré النفس العين وكل وأجمع. Et on avait pu évoquer qu'il y a des règles qui doivent être appliquées avec ces quoi ces mots akidat qui sont al-nafs, al-ayn وكل وأجمع. La règle qui touche ces quatre mu'akkidat, c'est que entre le tawkid et le mu'akkad, il faut qu'il y ait un damir qui soit mutabiq lil mu'akkad. Il faut que le lafz al mu'akkid, c'est-à-dire al nafs, al ayn, kul, wajma', il soit, on lui trouve un damir qui est muttasil, qui est lié, et qui est conforme au mu'akkad. Si maintenant je dis ja'a aliyun nafsuhu, on ne peut pas dire ja'a aliyun nafsun, il faut qu'on ramène le ha, qui revient au mu'akkad qui est quoi, qui est Ali. Et comme Ali c'est un mufarad muzakkar, singulier, masculin, donc à dhalika, le damir il faut qu'il soit mutabiqan du mu'akkad. Dans ce cas là il faut ramener celui qui est conforme, qui correspond au lafz qui est Ali. Et là c'est quoi, le ha. Le ha il est utilisé pour al muzakkar, al mufrad al muzakkar. Donc je dirais ja'a aliyun nafsuhu, ja'a al qawmu kulluhum, parce que le qawm c'est une jama'a. Ja'a البنت عينها. Ça c'était par rapport à نعم. Par rapport à ces alfaz là, il fallait qu'on trouve un damir qui soit quoi, mutabiq lahu. نعم. Ensuite on avait évoqué kadhalika par rapport à nafs et l'ayn, des règles qui sont propres à nafs et à l'ayn. On avait dit que si jamais le mu'akkad, c'est-à-dire celui qui est avant, et les mufarad, il faut que كذلika, le nafs ou l'ayn soit mufarad. On ne peut pas dire مثلا, ja aliyun anfusuhu. Ça se dit pas anfus, c'est le jam' de nafs. On ne peut pas là utiliser anfus parce que celui qui est mu'akkad c'est Ali et sa mufarad muzakkar. Donc on est obligé كذلika, de respecter qu'il soit bien conforme entre les deux au niveau du genre. Si jamais il est singulier, il faut que كذلك il soit singulier. Si jamais il est pluriel, كذلك il faut qu'il soit pluriel. Ja al qawmu anfusuhum. On ne peut pas dire ja al qawmu nafsuhum. C'est un khata de dire cela. Naam. Et on avait évoqué par rapport au duel. Si jamais le mu'akkad c'est un duel, il y avait un khilaf. Est-ce que le nafs est كذلك al-ayn? On a évoqué les exemples pour nafs, lakin c'est la même chose pour ayn. Si jamais le mu'akkad c'est un duel, est-ce que le tawkid il doit être كذلك en duel ou bien en pluriel? Al-sahih c'est que il faut le mettre en pluriel. Maintenant, si jamais ce que j'ai avant c'est un duel, le lafz qui va venir nafs ou l'ayn, on le met quoi, au pluriel. On dira مثلاً نعم جاء الرجلان أنفسهما. On dira جاء الرجلان أنفسهما. On peut pas dire, ou plutôt on peut dire, lakin c'est le col qui est marjouh. جاء الرجلان نفساهما. نفساهما. Et ça c'est le nora qui est quoi, comme on a pu évoquer dans le cours précédent, qui est daïfa, qui est peu utilisé, qui est daïfa. Donc lorsque le mu'akkad sera en duel, il faut que le mu'akkad, le tawkid, soit quoi, pluriel. جاء الرجلان أنفسهما. أما الضمير, celui qui est muttasil bi al ta'kid, et bien celui-là il faut qu'il soit mutabiq avec le mu'akkad. Comme on peut le voir ici, anfusu c'est un pluriel, lakin vu que c'est deux personnes, on doit respecter au niveau des damir, il faut qu'il soit duel. Anfusuhuma, on n'a pas dit ja'a ar-rajulani anfusuhum. Le lafz nafs, celui-là lorsqu'il est duel, on le met au pluriel. À la sahih tu peux le mettre au duel, lakin le mieux c'est le pluriel. Amma le damir qui est muttasil bi an-nafs wa kadhalika bil ayn, celui-là il faut qu'il soit mutabiq quoi qu'il en soit. Si c'est singulier, singulier. Pluriel, pluriel. Duel, duel. Féminin, féminin. Celui-là yatata'abaq ma'a al-mu'akkad fi jami'i ahwalihi, dans toutes ces situations. Excepté an-nafs, c'est le mu'akkad. Celui-là, si jamais il est singulier, singulier. Si jamais il est pluriel, pluriel. Si jamais il est duel, pluriel. Ala sahih, lakin tu peux le dire. Ensuite, on avait évoqué que ajma', c'est une sifa. C'est un tawkid en plus qui va venir suivre kul. Mathalan, comme a dit subhanahu wa ta'ala, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. C'est un tawkid fauqa at-tawkid. On ne fait que de rajouter un tawkid sur un tawkid. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ. En dehors du Coran, ce nous redit فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ. On aurait compris un tawkid. Là, on veut rapporter encore une ziyada dans le tawkid. On ramène quoi? Ajma'. Et ça, ça fait quoi? C'est après le lafz qui est cool. Fakul, tu peux le akkad par ajma' et kadhalika tawabi' ajma', yani ceux qui suivent ajma' kadhalika. Tu peux dire mathalan fasajada al dans le Coran fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una akta'una abta'una absa'una. Tam fa abta' plutôt akta' wa abta' wa absa', ce sont des mu'akkidat de tawabi' d'ajma'. Tam ça me tu évoques ajma', tu veux rajouter kadhalika au-dessus de ajma', encore du tawkid, tu peux ramener l'un de ces trois l'une de ces trois tawabi', et même tu peux ramener les trois directement. Lakin, ça c'est un emploi qui est vraiment rare. Tam. De ramener tawabi' ajma', parce qu'on a déjà ramené kul. Kul c'est un tawkid. Ensuite on a ramené ajma', donc une ziyad dans le tawkid. Ensuite on ramène encore akta'. Ou abta', ça fait 1, 2, 3, 4, 5 tawkid. Ça c'est vraiment, si tu veux vraiment appuyer la phrase. Lakin, ça c'est vraiment qalil al-istirmal. C'est peu utilisé. Donc ça c'était la khulasa par rapport à ce qu'on a pu voir par rapport au bab qui est bab al-tawkid, qui est un bab qui est important, qui est beaucoup évoqué dans le Coran. On voit qu'Allah Azzawajal il utilise beaucoup ce genre de choses là qui s'appelle al-tawkid. Enfin ça c'est un bab qui est muhim diddan, et ça c'est la khulasa de ce qu'on a pu voir dans le dernier cours. Enfin, inshallah tabarak wa ta'ala, on poursuit la lecture et on rentre aujourd'hui bi'ithnillahi Azzawajal dans le bab qui s'appelle babu al-badal. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. Il nous dit رحمه الله تعالى lorsque un mot est remplacé par un autre mot ou bien un fi'l qui est remplacé par un autre fi'l et qui le suit, il vient le remplacer, rajouter un bayan, un éclaircissement. Lakin c'est la même chose. Et il dit il doit le suivre dans tous ses états au niveau de l'arabe. Si jamais il est mansoub, mansoub, majrour, majrour, marfou', marfou', majzoum, majzoum, il est suivi dans tous ses états. Ça c'est ce qu'on appelle quoi? On appelle al-badal. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, il a évoqué d'une définition dans laquelle il a évoqué les catégories dans lesquelles on va retrouver le badal, là qui ne c'est pas la définition qui est évoquée par rapport au badal. Al-badal c'est en français, c'est le fait de remplacer une chose. Le fait de remplacer une chose, on appelle ça badal ubdila. Tabdil, c'est remplacer une chose. Fa al-badal fi inda ulama al-nahw kama qalu qala huwa at-tabi'. Donc c'est une chose qui suit une autre. Si on parle d'un tabi', c'est qu'il y a matbu'. Qalu huwa at-tabi' al-maqsud bil-hukm bila wasitatin baynahu wa bayn matbu'ihi. Ça c'est la définition qui est propre au badal. Idha qila laka ma huwa al-badal عند العلماء عند علماء النحو فقول البدل هو تابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. C'est celui, c'est le tabi' al-maqsud, c'est celui qui va suivre un autre mot et qui évolue dans le jugement. Tabi' al-maqsud bil-hukm, dans le jugement, dans la phrase, parce que toute phrase, qu'elle soit nominale ou bien qu'elle soit verbale, elle apporte un jugement. Elle apporte un jugement. Le jugement, c'est quoi? Une phrase, une chose. Il y en a qui apportent une affirmation ou bien une négation dans une phrase qui soit verbale ou bien dans une phrase qui soit nominale. Enfin, maintenant, dans la phrase verbale, si jamais je dis qama Muhammadun, fa hakamtu ala Muhammadin annahu qa'imun. J'ai jugé que Muhammad, il est quoi? J'ai affirmé que Muhammad, il est debout. Ça, c'est ce qu'on appelle un hukm. Fa at-tabi', ou plutôt al-badal, c'est at-tabi' al-maqsud bil-hukm. Celui qui évolue dans le jugement. On a un matbu' et on a un tabi'. Maintenant, si jamais je dis, جاء الإمام الشيخ الفوزان مثلا جاء الإمام الشيخ الفوزان البدل هنا سي كوا الشيخ الفوزان تم سام بدل دو كوا دو الإمام lorsqu'on a parlé de l'imam qui voulu تم à qui on a fait allusion lorsqu'on a dit al-imam al-sheikh al-fawzan تم fait le badal son rôle تم c'est de venir apporter un éclaircissement à la chose qui vient, qui lui a précédé. Comme c'est le cas ici, al-imam. Si on aurait dit déjà al-imam, qui est cet imam-là? Là, je ramène al-sheikh al-fawzan afin que ce soit clair. Pour tout le monde, que l'imam que j'ai voulu, que j'ai visé, dont j'ai affirmé sa venue, c'est qui? Al-sheikh al-fawzan. C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est le tabi', celui qui vient après une autre chose. Al-imam, dans la phrase, al-imam, c'est le matbu', c'est celui qui est suivi. Wa tabi', c'est celui qui suit. Dans ma phrase, ja'a al-imamu al-sheikh al-fawzan, al-sheikh al-fawzan, c'est celui qui est voulu dans le jugement. Quel est le jugement ici? C'est l'affirmation que j'ai rapportée de la venue d'une personne qui est qui? Al-sheikh al-fawzan. Le but du badal, comme son nom l'indique, Le but du badal, c'est de venir remplacer al-matbu', ou bien ils appellent ça al-mubdalamin, celui qui a été remplacé, en apportant quoi ? Une espèce d'éclaircissement. Et kazalika, ils disent des fois c'est min bab at-tawkid. On sait qui est l'imam lorsqu'on dit al-imam entre nous. C'est une terminologie qui est connue entre nous lorsqu'on dit mathalan al-imam. Wala nuzakki Allah ahad. Lorsqu'on dit al-imam, on parle de Sheikh al-Fawzan. C'est un exemple, malgré que c'est un imam. On veut rapporter un éclaircissement à Sheikh al-Fawzan. Auprès de ces personnes-là qui savent, lorsqu'on dit à l'imam que c'est Sheikh al-Fawzan, le fait que j'apporte Sheikh al-Fawzan, derrière, c'est un éclaircissement, min bab at-tawkid, afin d'apporter la notion de tawkid. Ceux qui ne savent pas, مثلا, j'ai à l'imam, à Sheikh al-Fawzan, là, c'est min bab al-bayan, éclaircissement total. Ça, c'est le but du badal. C'est celui qui est voulu dans le jugement. Lorsqu'on dit, مثلا, j'ai à l'imam, à Sheikh al-Fawzan, le hukm ici, c'est quoi? C'est le maji, c'est la venue. Et la venue, aller évoquer pour qui? Al-Sheikh al-Fawzan. C'est pour ça qu'ils ont dit At-Tabi' al-Maqsoud bil-Hukm. C'est celui qui est voulu dans le jugement, dans l'affirmation ou dans la négation. At-Tabi' al-Maqsoud bil-Hukm bila wasita. Il n'y a aucun intermédiaire entre lui et Al-Matbu'. Entre le Tabi' et Al-Matbu', comme on peut voir, il n'y a pas d'intermédiaire. Au contraire du quoi? Du Hatf. Le Hatf, Katalika, c'est même pas Tabi' al-Matbu', la Kin bi-Wasita, qui est quoi? Le Waw, ou bien Summa, yani le Huruf qu'on avait pu voir. Bila wasita, ça enlève les choses qui vont être des tawabi', les choses qui vont suivre un autre, lakin avec un intermédiaire. Comme c'est le cas, Katalika, on avait pu voir le Tawkid al-Ma'nawi, il a un lafz qui vient entre, comment ça s'appelle, qui est l'intermédiaire qui nous permet de pouvoir rapporter ce tabi'a-là, la chose qui suit. Amal badal, il n'a pas besoin de quoi? Il n'a pas besoin d'intermédiaire. At-tabi' al-maqsud bil-hukm bila wasita, sans intermédiaire. Baynahu wa bayna matbu'i. Ja'a l'imamu al-shaykhu al-fawzan. Ça, c'est quoi? La définition propre du badal. Wa ma dhakarahu al-mu'allif wa rahimahullah ta'ala. Ça, c'est minbab, yani at-tanawwu'. Pour montrer que al-badal, il a des catégories. Comme l'a dit, rahimahullah ta'ala, qala idha ubdila اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. Ça, c'est pour nous montrer que le badal, on peut ramener un badal, une chose qui va remplacer un mot par un autre mot, comme c'est le cas ici, جاني ما مو الشيخ الفوزان حفظه الله, ou bien un verbe par un verbe, comme Allah subhanahu wa ta'ala, ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حتى là c'est juste une jumla, يلقى أثاما. Ensuite Allah عز وجل, la traduction approximative de cette ayah-là, وَمَنْ يَفْحَنْ ذَلِكَ, et celui qui fait cela, c'est-à-dire les choses qu'ils ont été évoquées juste avant, dans surat al-Furqan, يَلْقَ أَثَامًا, il trouvera auprès d'Allah Azza wa Jal un péché, un grand péché, وَمَنْ يَفْحَنْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Ensuite Allah Azza wa Jal, il a ramené un badal, une chose qui vient remplacer يَلْقَ أَثَامًا, afin d'exposer quelle est ces choses-là qui va rencontrer, quel est ce péché avec lequel il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala s'il fait cela. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويضاعف له العذاب يوم القيامة. On va lui augmenter, on va lui amplifier le châtiment يوم القيامة. Donc là Allah عز وجل avec le badal qui est يلقى plutôt نعم يضاعف له العذاب يوم القيامة, avec cette phrase là il est venu Allah subhanahu wa ta'ala exposer et éclaircir quel est ce péché là avec lequel il va rencontrer. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. Donc ça c'est quoi? كذلك un badal min jumla, min jumla كذلك min fi'l, yani bi fi'l, tamam. C'est fal badal, il peut te remplacer un mot par un mot, un fi'l par un fi'l, une jumla par une jumla, comme on a pu l'évoquer هنا. Et comme il a dit rahimahullah ta'ala, تبعه في جميع إعرابه. Ça c'est son hukm. Al badal, c'est un tabi'. Donc si jamais c'est un tabi', yatba' al-matbu' fi jami' i'rabihi. Si jamais la chose qui est avant lui est marfou', il sera marfou'. Comme on a pu évoquer dans l'exemple, ja'a al-imamu, al-imamu, il est quoi le marfou'? Donc le al-badal, il faut qu'il soit kadhalika marfou'. Ja'a al-imamu al-shaykhu al-fawzan. On n'aura pas pu dire, ja'a al-imamu al-shaykha. C'est une khata. Pourquoi? Parce que al-imam qui est matbu', il est quoi? Il est marfou'. Donc le badal kazalika, il faut qu'il soit marfou'. Ja al-imamu al-shaykh al-fawzan. Ça me j'aurais dit مثلاً ra'aytu al-imama, j'aurais dit al-shaykha, ra'aytu al-imama al-shaykh al-fawzan. Al-shaykha, on est obligé de suivre al-imam. Si jamais j'aurais dit مثلاً marantu bil-imami al-shaykhi al-fawzan, kazalika ha-huna. Donc tout cet état. Et kadhalika par rapport à la ayah qu'on a évoqué, وَمَنْ يَفْحَنْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. وَمَنْ يَفْحَنْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا فَيَلْقَ هُنَا لِي مَجَزُمْ بِحَفْ حَفْلْ عِلَّةِ. Parce qu'à la base c'est quoi? يَلْقَ. Lakin vu qu'il est majazum et vu que c'est un fi'l qui est manqous, c'est un fi'l naqis, c'est-à-dire qu'il y a une lettre malade à la fin qui est le alif al-maqsoura, yalqa. Vu qu'il est majazum, il sera majazum avec la suppression de cette alif maqsoura, yalqa. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Donc là il est majazum. Donc le badal aussi, celui qui va venir le remplacer pour apporter cet éclaircissement, kazalika, il faut qu'il soit majazum, comme c'est le cas dans cette ayah là. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب فيضاعف سنفعل كنا بل فعل صحيح c'est-à-dire qu'il n'a pas de lettre malade à la fin فعل صحيح الأخير la dernière lettre n'est pas une lettre comme on appelle حروف العلة سنين عليف سنين واو سنين كذلك إنيا donc s'il est majuzum il est majuzum bi as-sukun comme on avait pu voir au début du mat tam il avait évoqué les alamat du jazm, soit la sukun ou bien soit al-hath. Faha huna, il y a une conformité entre yudha'af et yalqa au niveau de l'i'rab. Yalqa est majuzum, ou yudha'af, kazalika est majuzum. Faha, c'est quoi le hukm du badal? Le hukm du badal, comme on a pu voir avec le ni'at, comme on a pu voir kazalika avec l'atf, comme on a pu voir avec le tawkid, tout cela ce sont des quoi? Des tawabi', ceux qui suivent le matbu'. Et il le suit dans quoi? Dans l'i'rab. Dans l'i'rab, il doit le suivre dans tous les états par rapport à l'i'rab. Naam. Qala rahimahullah ta'ala, qala wa huwa ala arba'ati aqsam. Donc là, il va nous évoquer les aqsam du badal. Qala wa huwa ala arba'ati aqsam. Naam. Il est de quatre catégories. Le badal, il est de quatre catégories. Qala badalu shay min ash-shay. C'est-à-dire badalu shay bi shay, de remplacer une chose par sa totalité. Badal al-shay bi shay. Je remplace une chose par sa totalité. Et certains appellent badal al-kul min al-kul. Badal al-kul min al-kul. Et cette appellation elle est mieux. Badal al-kul min al-kul. Et c'est celle qui est retrouvée dans les kutub de Nuha. Badal al-kul min al-kul. Et hatta, il y a une autre appellation. Il appelle badal al-mutabiq. Lakin celui qui est beaucoup plus utilisé, c'est badal al-kul min al-kul. Je viens remplacer une totalité par une autre totalité. Qala wa badal al-ba'di min al-kul. Remplacer une totalité par une partialité. Il va évoquer les exemples par rapport à cela. Qala wa badal al-ijtimal. C'est d'évoquer une chose qui est en relation avec celui qui a été remplacé. La différence entre la partialité et de remplacer une totalité par une partialité et le fait de remplacer une chose par rapport au fait qu'il y a une relation entre les deux, on va le voir inchallah par rapport aux exemples, il y a une différence entre les deux, qui est un peu subtil, lakin il y a une différence entre les deux. Qala wa badalu al-gharat. Badal al-gharat, c'est lorsque mathalan il se trompe et ensuite il se corrige immédiatement sans ramener d'intermédiaire entre l'erreur et la kalima qui est bonne. Il ne ramène pas d'intermédiaire et on va voir ça simplement un peu quoi, un badal al-gharat. Il a ramené des exemples pour chacun des badals qu'il a évoqués. فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ قَامَ زَيْدٌ أَخُوكَ قَامَ زَيْدٌ أَخُوكَ قَامَ فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِي عَلَى الْفَتْحَةِ زَيْدٌ فَاعِلٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ فِي آخِرِهِ وَأَخُوكَ بَدَلٌ مِنْ زَيْدٍ والبدل من المرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه سلواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والكاف دمير متصل في محل جر مضاف إليه سأسأل العرب رابعه سؤال فأخوك c'est le بدل de زيدون c'est qui est venu c'est أخوك qui est venu c'est أخوك le jugement ou plutôt de نعم qui s'est levé c'est أخوك le jugement du fait qu'il y a une personne qui s'est levée il s'applique à qui? Akhuka. Zayd. Est-ce que Zayd et Akhuka c'est la même personne? Naam. C'est pour ça qu'ils ont appelé badal al-shay bi shay ou badal al-kul min al-kul. Zayd et Akhuka c'est la même personne. Laquelle on est venu avec Akhuka afin qu'on sache que Zayd c'est pas le cousin, c'est pas l'ami, laquelle c'est le frère. C'est le frère de cette personne-là. Qama Zaydun Akhuka. Man qama Akhuka. On appelle ça le badal. C'est pour ça qu'ils ont dit at-tabi' al-maqsoud bil hukm. En premier lieu, qui on a voulu viser par cette action-là qui est le fait que la personne s'est levée, c'est qui c'est? Akhuka. Akhuka. Et Zaydoun, ils appellent ça, il y a le mot d'alumine. il évoque juste yani tamhid afin de préparer la venue du mubda, du badal, afin de préparer la venue du al-badal. Lakin celui qui est vraiment visé dans le hukm, c'est pas Zayd, c'est Akhuka. C'est pas Zayd, c'est Akhuka. Naam, qala. Qala, ça c'est badal al-kul min al-kul. Inch'Allah, on évoque les. On lit les exemples, et ensuite on va évoquer la définition pour chacune des catégories qu'il a évoquées, rahimahullah. Donc ça c'est le badal al-kul min al-kul. Ou badal al-shay min al-shay, lakin, comme on a pu voir, c'est quoi? L'appellation qui est, mieux, qui est préférable de dire, c'est al-shay al-badal al-kul min al-kul. Zayd ou akhuka kul min al-kul. On n'a pas ramené une partialité, c'est la totalité. Zayd et akhuka, c'est pareil. C'est pour ça qu'ils ont appelé badal al-muntabiq. Parce qu'il y a une conformité totale entre les deux, entre Zayd et Akhuka, c'est la même personne. On appelle ça Badal al-Kul min al-Kul ou Badal al-Muntabiq. Qal akeltu al-Rarifa thuluthahu. Ça c'est Badal al-Ba'd min al-Kul. Al-Rarif, par contre, ça j'ai oublié de regarder la définition. Hein, c'est une pâte qu'on peut prendre pour faire du pain. Ouais, c'est ça. Al-Rarif mich. La mich de pain. Pain rond. Donc c'est du pain, c'est une sorte de pain. قال أكلت الرغيف ثلثه. فالآن أكلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير المتحرك في محل رفع فاعل. التاء هنا فاعل. الرغيف مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ثلثه بدل من الرغيف والبدل من المنصوب منصوب مثله. وعلامة رفعه بتنصبه الفتحة ظاهرة في آخره وهو مضاف والضمير المتصل به في محل جر مضاف إليه تام. فهنا ثلثه سام بدل تام. سام بدل دكوا الرغيف. Est-ce que سام بدل كل من الكل؟ Est-ce que c'est une totalité là؟ تام. Là c'est une partialité. تام. Il dit j'ai أكلتو الرغيف. Est-ce qu'il a mangé الرغيف كله؟ Est-ce qu'il a mangé le pain entièrement là؟ قال ثلثه. تام. Façon on appelle quoi؟ بدل البعض من الكل. تام. J'évoque la totalité d'une chose, ensuite j'évoque une partialité pour montrer qu'en vérité je n'ai fait que manger qu'une partialité, qu'une partie même, de ce khubz là. Qui est quoi là? On a c'est un tiers. T'as. J'ai mangé le pain, un tiers t'as, du pain. Un tiers du pain. Akantu ar-rarifa thuluthahu. Fa thuluthahu huna c'est un badal. Ba'd min al-kul. Parce que là, il y a une partialité qui a été évoquée et non pas la totalité. Au contraire, de qama zaydun akhuka. تام زيد وأخوك يتطابقان تام سي لا ميم شوز أما أكلت الرغيف لا سي ان توتاليتي ثلثه سي ان بارسياليتي تام سي بور سا كيز أبل سا بدل البعض من الكل تام اي سيت بارسياليتي سا بيت كوا سا بيت لا موتيي بلو دو لا موتيي او بيان او بيان موان دو لا موتيي انا اوري بي دير مثلا أكلت الرغيف با ثلثه سا سي موان كو لا موتيي تام أكلت الرغيف نصفه لا موتيي أكلت الرغيف ثلثيه. J'ai mangé deux tiers du al-rarif. Donc là, al-ba'd, la partialité, ça peut être en dessous de la moitié ou bien au-dessus de la moitié. Al-muhim, il ne faut pas que ce soit la totalité. Ce même matin, j'aurais dit, akaltu al-rarifa kullahu, là, c'est pas, on n'est plus dans le bab du al-badal. On appelle ça, on est dans le bab qui est quoi avant, qui est tawkid. Et là, c'est un tawkid qui est quoi, ma'anawi, parce qu'on a ramené le lafz qui est cool. Si on aurait dit, akaltu al-rarifa kullahu, là, on n'est plus dans le badal. Là, on n'est plus dans le bel air, on est dans un autre bab qui s'appelle quoi? At-Tawkid, celui qu'on avait pu voir juste avant. Parce que les alfars du Tawkid, ils sont al-Ma'nawi, ils sont mahsoura. Au nombre de trois, nafs, aïd et kul. Qala, n'am, qala, nafa'ani zaydun ilmuhu. Nafa'ani zaydun ilmuhu. Si on fait une traduction vraiment mot à mot de cette phrase-là, on dira Zaydun m'a été profitable sa science. En français, ça se dit pas. En français, on dirait la science de Zayd m'a été profitable. Lakin, ça, c'est un usloub arabi. Tu ramènes la partie d'une chose, tu veux pas cette partie de cette chose-là. Lakin, c'est un tamhid afin de préparer le mot qui va suivre derrière. Nafa'ani Zaydun, est-ce que c'est Zayd? C'est simplement Zayd qui m'a été profitable. Lakin, là, c'est quoi? Ilmuhu. Nafa'ani Zaydun, ilmuhu. Est-ce que c'est Zayd ou bien c'est la science de Zayd qui m'a été profitable? C'est la science de Zayd. C'est pour ça qu'ils ont dit c'est le tabi' al-maqsoud bil-hukm. Là, ça se voit bien par rapport à la définition. C'est pas Zaydun lui-même qui m'a été profitable, lakin c'est la science de Zayd. Et Zayd, il a été évoqué, comme ils disent, tamhidan, afin de préparer l'avenue du badal. Donc ça, c'est un usloub arabi, qu'on ne retrouve pas en français. En français, on ne dit pas ces choses-là. Zaydoun m'a été profitable, sa science. Ça ne se dit pas. On dit directement, la science de Zayd m'a été profitable. Lakin ça, c'est un uslof qui est quoi? Qui est en arabe. Hakaza, celui qui, lorsque tu ressens la langue arabe, mashallah, tu vois que c'est beaucoup plus éloquent. Tam, nafa'ani Zaydoun, ilmuhu. Tam. فعلمه هنا سمف للعرب تم نفعني فعل ماضي مبني على الفتحة والنون نبسا دمير ونبسا بتو يعني نون الوقاية تم والياء دمير متصل في محل نصب مفعول به زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وعلمه بدل من زيد والبدل من المرفوع مرفوع مثله بخلاف علمه إلى كل مرفوع بس زيد إلى مرفوع وهو مضاف تمام ولها دمير متصل في محل جر مضاف إليه تمام اللي هذا علمه إلى في محل جر مضاف إليه فعلمه هنا c'est le بدل de زيد est-ce que c'est un بدل الكل من الكل est-ce que زيد est-ce que la science c'est زيد la science de زيد c'est pas زيد تمام et kazalika la science de Zayd c'est pas un membre de Zayd comme la main comme le pied et la khiri c'est pas un membre de lui c'est pas un membre de son corps et tout ça hein. Lakin c'est une chose qui est abstraite tamam. C'est une chose dans laquelle est qualifié Zayd tamam. C'est une chose par laquelle Zayd est qualifié tamam. Par rapport à la science qui est la science c'est une chose que l'homme il est qualifié par rapport à cela tamam. C'est pas un membre de son corps un membre de lui Lakin, c'est une chose par laquelle on le qualifie. Fait ça, on appelle quoi? Bedel al-ijtimal. À partir du moment que ce n'est pas la même chose que le mot bedel, celui qui a été remplacé, ou bien une partie du mot bedel, c'est-à-dire un membre de lui, c'est une chose sur laquelle il y a une relation entre le mot bedel min, c'est-à-dire celui qui est avant, et le bedel, qui est là en l'occurrence la science. T'as-même. Si jamais c'est une chose qui est en relation avec lui, un qualificatif, ce n'est pas un membre, on appelle ça. Comme on l'avait dit, bedel al-ijtimal. Ay ijtamala zaydun ala al-ilm. Tam Zayd il comprend, le critère qui est quoi le critère de la science. On appelle ça badal al-ijtimal. Il faut faire souvent les frères ou bien ceux qui étudient dans ce bab-là, ils n'arrivent pas à faire trop la différence entre badal al-ijtimal ou badal al-ba'd min al-kul. Badal al-ba'd min al-kul, c'est un membre du mot badal. Comme on a pu le voir, مثلاً akantu ar-raghif le pain thuluthahu. J'ai mangé un tiers du pain. Là on a mangé on ne va pas dire un membre, lakin, c'est une partie intégrante qui est une partie comment ça s'appelle intégrante de comment ça s'appelle du pain. Amma nafarani zaydun ilmuhu, c'est pas un membre en lui-même de Zayd, lakin c'est un critère. C'est une chose yani yushtamil alayhi. En arabe c'est plus simple à comprendre. Alladhi yushtamil alayhi wa alladhi huwa ba'd minhu, c'est deux choses différentes. Yushtamil alayhi, il le comprend. C'est une chose qu'il comprend. Wa al ba'd minhu, c'est un élément. C'est un élément qu'on trouve en lui-même. Naam. Wa qala, pour le dernier par rapport au badal al-gharat, qala ra'aytu zaydan al-farasa. Ra'aytu zaydan al-farasa. Ça, c'est quoi un bayan al-gharat? Tami s'est trompé. En vérité, c'est pas un Zayd qui l'a vu, lakin c'est quoi? C'est un cheval. Ra'aytu zayd, tu t'es trompé. Tu veux rectifier ta faute, tu ramènes la bonne parole. Ça on appelle ça bab bayan ou plutôt badal al-ghalat. Ra'aytu zaydan, c'est pas Zayd que tu as vu. Tam. Lakin c'est le faras. Tam. Kadhalika, cet exemple là, il montre bien la définition du badal. Annahu at-tabi' al-maqsud bil-hukm. Tam, c'est celui qui est voulu dans le jugement. Tam. Qui est-ce que j'ai voulu qui est, le jugement ici c'est qu'on a vu quelque chose. Tam. Qui a été vu? Est-ce que c'est Zayd ou bien le faras? Huna c'est qui? C'est al-faras. Pour ça que on appelle ça un badal. Parce que c'est celui qui a été voulu dans le jugement et non pas Zayd. Tam. Laisa Zayd alladhi ra'aytuhu, lakin huwa al-faras. Ça on appelle ça quoi? Badal al-ghalat. Tam, tu t'es trompé et tu viens rectifier, tam, par un mot qui suit, on appelle ça badal al-ghalat. C'est pour ça qu'il a dit barda qala Naam. Qala aradta an taqul al-faras. Tu as voulu dire ra'aytu al-faras. Lakin ta langue t'a précédé, tam. قال فغلطت فأبدلت زيدا منه. تمام انا بس بدل غلط. تمام انت voulu dire j'ai vu الفرس le cheval. لكن tu as fait une erreur et tu as dit au lieu de dire le cheval tu as dit quoi? J'ai vu زيد. تمام donc là le fait que tu as rapporté الفرس بعده on appelle ça quoi? On appelle ça بدل غلط. Et les جميع الانواع الاربعه il faut qu'ils le suivent dans les arabes comme on a pu le voir ici مثلا رايت زيدا الفرس. Ça me serait une erreur de dire Ra'aytu Zaydan al-Farasu ou bien al-Farasi. Pourquoi? Parce que Zaydan il est mansouf. Et vu que al-Faras c'est un badal, al-Balad c'est un tabi'a, et le tabi'a il suit le matbou' fi jami'i i'rabihi. Fi jami'i ahwal min al-i'rab. Il le suit dans tous les états de l'i'rab. C'est pour ça que là on est obligé de mettre mansouf al-Faras. Certaines choses que il est bon d'évoquer par rapport à Naham al-Badal. Al-Badal al-Ba'd. من الكل وبدل الاشتمال تم سيد بدل لا on est obligé de ramener quoi un damir تم qui soit متصل بالبدل qui revient sur المبدل من comme l'a évoqué dans l'exemple أكلت الرغيف ثلثه j'ai mangé un tiers du pain j'ai mangé le pain un tiers du pain تم j'ai mangé le pain un tiers du pain فle بدل من البعض تم on est obligé de ramener un damir qui revient à lui pourquoi parce que vu que c'est une partialité d'une chose donc il faut qu'on ramène ce damir là qui revient à lui pour dire que il a été pris de cette de chose là une partie de l'autre donc il faut qu'il y ait un damir qui revient sur cette personne là akaltu ar-rarif thulutha le ha huna il revient à quoi il revient ar-rarif t'es obligé de le ramener lorsque tu veux utiliser badal al-bard min al-kul lorsque tu fais remplace une totalité par une partialité t'es obligé de ramener le damir qui est en relation avec al-mubdal min si jamais il est masculin masculin féminin féminin مثلا شمي جردي مثلا الدجاجه تم اكلت الدجاجه ثلثها تم ثلثها il faut qu'il y a le damir qui revient sur le mubdal min c'est celui qui est avant كذلك avec badal al-ishtimal تم parce que vu qu'yani ishtamala alayhi c'est pas un membre de lui lakin c'est un qualificatif qui revient à cette personne là كذلك il faut que on mette un damir entre le badal et le mot badal min comme il a évoqué dans l'exemple nafa'ani zaydun ilmuhu tam on n'aurait pas pu dire nafa'ani zaydun ilm tam c'est pas possible tam parce que la ilm c'est qui le ilm de zayd tam c'est pour ça qu'on a évoqué zayd parce que zayd yani on ne veut pas c'est pas lui qui est voulu dans le jugement laquelle on le ramène afin de préparer le mot badal plutôt le badal qui vient juste après nafa'ani zaydun est-ce que c'est zayd qui m'a été profitable là laquelle c'est la science de zayd nafa'ani zaydun ilmuhu tam nafa'ani zaydun ilmuhu on aurait pu dire نفعني علم زيد تام on aurait pu dire نفعني علم زيد لكن ça c'est من باب البلاغة تام dans la langue arabe c'est éloquent de utiliser ce genre de ce genre de ce genre d'expression qui s'appelle يعني de ramener le badal تام c'est éloquent تام au niveau de l'éloquence on aurait pu dire la personne dit mais pourquoi on dit pas directement نفعني si jamais vraiment c'est pas زيد qu'on a voulu dans le jugement pourquoi on ramène pas directement la science et on dit نفعني علم زيد la science de Zayd m'a été profitable c'est une phrase qui est quoi qui est moufida nafa'ani ilmu Zayd la personne peut se dire mais pourquoi c'est un oskop c'est une manière de s'exprimer c'est une expression qui est vraiment éloquente dans la langue arabe pour celui qui a qatta'ima zawaq al-lughat al-arabiyya la langue arabe elle a un goût mashallah et il y a des manières de s'exprimer qui la rend beaucoup plus belle et parmi ces manières là d'utiliser al-badal nafa'ani Zaydun ilmahu. En plus, ça capte un peu l'attention terme du locuteur de la personne qui est en face de toi, plutôt du celui à qui tu fais le discours. Terme tu captes l'attention. Il y a des choses que ils sont évoquées dans le ilm qui s'appelle ilm al-balagha et ça fait partie de l'éloquence en arabe d'utiliser ce genre d'expression-là, qui est quoi? D'utiliser le badal. Là, c'est la khulasa. Il y a d'autres choses à dire par rapport à al-badal ou al-mubdal min. Lakin c'est un kitab de débutant, donc on va se contenter, Inch'Allah, de ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui par rapport à ce chapitre-là qui est Al-Badal. Et par le Badal, Alhamdulillah, khatamna bab al-marfu'at. Donc on a terminé ce bab-là qui est bab al-marfu'at min al-asma. Naam, il avait dit, marfu'at min al-asma. Plutôt, il avait dit, comment il avait nommé? Naam, al-marfu'at min al-asma. Ou plutôt, babu marfu'ati al-asma. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, samedi prochain, on va rentrer dans un nouveau bab qui est bab mansoubat al-asma. Il va nous évoquer les asma qui sont mansoubat dans la langue arabe. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, samedi prochain à 11h à la même heure, on poursuivra la lecture de ce matn qui est nafi' al-ajrumiyya. S'il y a des questions par rapport au cours d'aujourd'hui, sinon on se contente de cela. Le cours est simple. Le badal il est un peu difficile à trouver des fois, il y en a au début, lakin lorsque la personne a mis en pratique, elle va voir après qu'elle ne peut pas le louper le badal. Et la meilleure manière de retrouver le badal, c'est par sa définition, tout en sachant que lorsque tu vas avoir deux mots qui suivent, comme c'est le cas ici, Celui qui est voulu dans le jugement, et celui qui vient en éclaircissement, c'est ça le badal. Celui qui est voulu dans le jugement et qui vient en éclaircissement. هذا هو البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. سيادة كاستون إن شاء الله سنصف في تسرة فإن شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وفيكم بارك الله وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحية دماج أفاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.